weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin, feathered road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Guémozo sur le 107 FM. Coucou à ceux qui nous écoutent aussi sur internet et via appli gratuite pour smartphone. Et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un moment plein de chaleur et de douceur dans la bulle. Bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, moment festif, hein, nous parlons ensemble du Festival de la Voix Verte et de la Biodiversité avec aujourd'hui nos deux invités François et Clémence. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Comment bonjour. Ça va? Bien, très bien. Eh ben super. Merci en tout cas à tous les deux d'être présents aujourd'hui. Alors rendez-vous le 8 juillet, hein, c'est ce dimanche, pour ce Festival de la Voix Verte et de la Biodiversité. Manifestation entièrement gratuite, hein, il faut le préciser tout de suite parce que ça, eh ben, c'est plutôt très important. Ça se passe à la plage de la base de loisirs de Pierre Percé, c'est bien ça? C'est bien ça. Ok, alors je cite, hein, parce que c'était merveilleusement écrit, c'est un véritable festival de musique, spectacle, découverte, théâtre, démonstration, activité sur la plage des lacs de Pierre Percé, à pied, en voiture, en vélo, en roller ou même en poussette. C'est bien rendez-vous pour une journée pleine de surprises, animations et concerts à partir de 11h. C'est bien écrit, hein? C'est très bien écrit. Oui, qui a écrit qu'est-ce ça, qu'on travaille bien. Qui a écrit ça? C'est Clémence. C'est moi. Voilà, Clémence le bras droit, on tient à préciser tout de suite, hein, de François. Alors François, eh bien, vous êtes président de l'association Festival, c'est... Festiplaine. Festiplaine, pourquoi je dis festival, je ne sais pas. Parce Festiplaine s'occupe du festival. Voilà, c'est ça. Festiplaine qui a repris aujourd'hui ce festival justement dont nous parlons aujourd'hui. Alors ce festival, il a été créé en 2010. Oui, ça fait déjà 8 ans, et oui. Donc ça fait la 8e édition que nous proposons ce festival de la Voix Verte. Oui. Il a été créé à la suite de l'inauguration de la Voie Verte de la Vallée de la Plaine, qui d'accord. fait ce circuit de 27 km. Ah oui. Et les deux premières années, on a fait un festival sur toute la Voie Verte, sur les 27 km. Oula. Et puis là, ça devenait un peu compliqué, donc on a un peu réduit la voilure. Et on s'est mis sur la base de loisirs qui se trouve à Celles-sur-Plaine, qui est un petit lac qui alimente le lac de Pierre Percé, qui se trouve juste en haut. C'est un lieu magnifique en plus là-bas, hein, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient peut-être encore pas. C'est vraiment un lieu magnifique que j'ai eu l'occasion de voir, parce que j'ai surmonté une de mes plus grandes craintes, le vide, et j'ai fait de la tyrolienne tout au-dessus du lac. Au-dessus et j'ai pu, du lac de Pierre-Percé, voilà, j'ai pu avoir cette vue magnifique. Je vous, franchement, recommande ce lieu qui voilà, vous fera vraiment rêver. On l'appelle le lac canadien parce qu'il est en forme de feuilles d'érable. Et puis on a vraiment l'impression d'être ailleurs que dans les Vosges, hein, même si on adore nos Vosges. Il n'y a aucune habitation, il n'y a pas de grande route autour, il n'y a pas de base de loisirs intempestifs. Donc du coup, c'est vrai qu'on a une végétation complètement rustique et très belle, très sauvage. On garde la nature là-bas, on est vraiment là pour un moment de détente et de lâcher prise totale et ça fait du bien. Alors eh bien, ce festival il a été créé donc, pour inaugurer cette fameuse voie verte. Est-ce qu'il y avait une autre motivation, un autre but dans la création de ce festival? Alors le but principal de ce festival, et le seul d'ailleurs, c'est de faire connaître la vallée de la Plaine, oui. dont est le nom de la rivière. Et on a créé ce festival pour dire à ceux qui sont dans la région, à ceux qui sont plus loin que notre région, venez voir, venez à ce festival pour découvrir ce lieu touristique, cette vallée qui est quand même assez spécifique. Elle est tout en arbres, elle est oui. tout en petits villages, elle n'est pas très large. C'est vraiment un lieu magnifique, cette vallée, qui va jusqu'au Donon. Et oui. Il y a 8 villages à traverser qui sont très lorrains, très Vosgien. Et donc voilà, le festival a été créé pour ça et on a mis une tête d'affiche dans le concert pour attirer un peu. Et oui. On parlera de toute cette programmation au long de cette émission, mais vous parlez bien entendu du groupe Les Wampas, c'est ça? Les Vampas. Les Vampas. Et oui. Alors, je pense que ça va attirer en effet beaucoup de monde. Mais j'ai eu l'impression quand même, parce que j'ai publié une petite vidéo qui retransmettait un petit peu l'édition de l'année dernière. Les gens, ils disent qu'ils reviennent tous les ans une fois qu'ils sont venus. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde qui se rend sur ce festival. Les gens, ils sont conquis quand même par ce que vous proposez. Alors, ils sont conquis parce que c'est un festival pas que de musique. En oui. fin de compte, la musique, elle est tout le long de la journée un petit peu, mais pas comme... C'est en plus. C'est un bonus le soir, voilà. Le but du jeu, c'est de faire venir les familles avec leurs enfants ou les grands-parents avec leurs petits-enfants et qu'ils puissent toute la journée avoir des activités ludiques qui sont basées sur la biodiversité, qui sont basées sur le transport écologique, qui sont basées sur des jeux reconstruits. Et puis, il y a plein d'animations, hein, comme... Comme on en parlera tout au long de cette émission. Et gratuite surtout. Et oui. Donc c'est vraiment une journée, c'est vraiment un événement qui permet aux familles de venir passer une journée entièrement gratuite. Voilà, les enfants peuvent participer à des ateliers, peuvent fabriquer des petites choses. On a un atelier de recyclage de carton, un atelier de fabrication d'insectes. Enfin, c'est vraiment, parce que le but, c'est de faire découvrir ce lieu et l'aspect, la spécificité naturelle de ce lieu, puisqu'on est sur un espace naturel sensible. Et voilà, le but de la journée, c'est aussi de valoriser cette richesse-là. C'était très important, alors, cette action de biodiversité, mais aussi cet aspect de gratuité pour pouvoir permettre à tous de pouvoir assister à ce genre de journée sans forcément avoir plus de moyens qu'il n'en faut. C'est passer une agréable journée dans la vallée de la Plaine sur cette base de loisirs. En mangeant une frite et puis en assistant à la tonte des moutons, au dressage des oies, à un petit voyage en poney, avoir des énormes marionnettes qui passent à côté de vous, vous grattez le dos. voilà, c'est... Ça va être sympathique. Voilà, on peut passer une très très bonne après-midi sans vraiment trop se lasser et en regardant plein de choses, en attendant le concert du soir. Voilà. Et avec d'autres groupes dans la journée, comme les Tripotes ou la Tisane, et des petits groupes comme ça en sous-chapiteaux. Il y aura même des contes, il y a deux conteurs, il y a même deux pièces de théâtre. D'accord. Qui sont sur le site aussi. Oui, c'est vraiment très éclectique et il y a beaucoup de choses prévues pendant cette journée. On n'aura pas le temps de s'ennuyer. Et pas le temps de tout dire. Non, aussi, pas le temps de tout dire. Il faudra se rendre sur place pour voir et puis pour pouvoir en profiter. Voilà. Combien de temps ça prend pour organiser un festival comme celui-là? Est-ce qu'à la fin du festival, par exemple 2018, on va commencer à préparer celui de 2019? On va dormir un petit peu avant. Puis on va préparer de celui dans 20 ans. Non, on est... disons qu'au fil des années, on s'en sort de mieux en mieux, j'ai l'impression. Ouais. Finalement, on est passé de 9 mois à 6 mois, quoi. Avec pas grand-chose, on est en association en plus maintenant. Donc voilà, on a réussi à fédérer un petit peu de monde autour de nous et on arrive à bricoler pas trop mal, on va dire. Alors, justement, quelle équipe est autour de vous? Combien êtes-vous pour préparer ce festival au sein de cette association qui fédère un petit peu cet événement? L'historique de cette association, elle n'est pas vieille, elle date de cette année. D'accord. Donc elle a été créée spécialement au départ, c'était la communauté de communes de la vallée de la Plaine. D'accord. Où tous les maires se sont mis ensemble pour dire il faut qu'on fasse valoriser cette vallée. Oui. Donc on a créé le festival grâce à ça. Donc c'est la communauté de communes qui supportait le travail et le financement et tout ça avec d'autres partenaires. Après, c'est la communauté d'agglos qui a repris ce festival. Et la communauté d'agglos nous a demandé de poursuivre ce festival par une association. Bien entendu, les deux identités nous suivent derrière, D'accord. Niveau technique, tout ce qu'il y a à faire derrière. Du coup, vous êtes combien au sein de l'association là? Alors, au niveau de l'association, il y a 8 maires, donc il y a les 8 maires. Ah oui. Et puis une vingtaine en tout, quoi, en gros. Ah, mais oui, en gros, il y a Clémence, et puis voilà, ça fait quand même déjà beaucoup. Clémence prend toute la place. Quand même, non, la non, pauvre, non, elle a non, beaucoup non, de charges sur ses épaules. Non, pas du tout. Non, pas du tout. On a pas mal d'aides quand même pour tout ça, soutien financier aussi. Donc, heureusement qu'on a quand même. Toi, ton rôle, Clémence, au sein de l'association et puis de ce festival, il représente quoi? Tu touches un petit peu à tout, t'es multicasquette, c'est ça? Alors, on est un petit peu multicasquette, oui. Alors là, ça a été aussi de la transmission parce que on peut pas, moi, je ne peux pas tout faire. Maintenant, avant, c'était dans le cadre de mon travail. Maintenant, c'est du bénévolat. Donc, forcément, on ne peut pas non plus être partout. Forcément. Donc, voilà, ça a été. Moi, je m'occupe essentiellement du volet communication et puis de la logistique générale parce que l'habitude de l'organisation fait que j'ai gardé les pieds dedans, forcément. Et on a remarqué qu'elle écrivait très bien, donc voilà. Bah oui. Ça montre tout. On a remarqué que vous écriviez très bien, c'est vrai. Merci. Est-ce qu'il y a des bénévoles qui vont vous aider au sein de cette journée ? Oui. On est une trentaine. Oui, ce matin, on a monté les chapiteaux, par exemple, on était 35. Ah oui ? Voilà, on a tous les maires. Avant de venir. Dis donc, quel courage ! Bah merci encore d'être là. Alors, après le montage de chapiteau, une petite émission radio pour se détendre et après on repart. Et après on s'occupe des frigos cet après-midi. Ah bah voilà, magnifique. Donc forcément, on se couchera peut-être aussi de bonne heure ce soir. On ne dort pas depuis une semaine, ah donc non. C'est bon, on ne se couche plus maintenant. Non, on se couche plus. On verra la semaine prochaine. D'accord, je comprends bien. Alors ce festival, il est comme on l'a dit au début, pour toute la famille, il est intergénérationnel. On y vient avec ses parents, ses grands-parents, ses enfants, ses cousins et tous les gens avec qui on a envie de partager un bon moment. Et donc, il y aura au sein de ce festival des ateliers pour les enfants, spécifiquement pour eux. Oui. C'est le but aussi, donc évidemment, un public familial, donc des ateliers. On a essayé de varier énormément, en fait, on essaye de prioriser vraiment l'animation et des animations qui marquent les esprits. Oui. Voilà, des choses, on a des marionnettes géantes, on a une énorme marionnette qui fait 3 mètres de haut. Et oui, avec la compagnie Le Fil à la Patte. C'est ça, qui circule. On avait jusqu'à maintenant des superbes manèges écologiques, donc qu'on ne prend plus parce qu'ils reviendront certainement, mais ils avaient 5 modèles, on a eu les 5 modèles, donc on est passé maintenant aux marionnettes, histoire de varier un petit peu, parce que ce qui est intéressant sur ce festival, c'est qu'on a effectivement fidélisé un public qui revient beaucoup, pour la plupart, chaque année. On a du monde, c'est vraiment quelque chose qui prend de l'ampleur, donc des personnes qui viendront encore cette année découvrir et qui reviendront sans doute l'année prochaine. Et pour une personne, ils en ramènent 10, donc du coup... Et c'est du public qui tourne en plus, donc voilà, les familles qui vont venir profiter des ateliers l'après-midi resteront pas forcément en concert. Et inversement, il y a des gens qui viendront pas forcément sur la journée, mais qui viendront pour les concerts, donc ça permet d'instaurer un roulement, de société. Oui, oui. Ouais. Et puis donc, comme tu le disais, Clément, c'est un public qui revient souvent chaque année, oui. Pour certains, et donc c'est important pour eux de proposer des nouveautés. Voilà. Et c'est donc, vraiment, les deux marionnettes géantes de cette année, elles sont spécifiques pour cette année ou ce sera celle de l'année dernière ? Alors, on a la plus grosse qui revient pour la troisième année parce que celle-là, elle a vraiment beaucoup, beaucoup de succès. Et on a une nouveauté cette année qu'on n'a nous-mêmes pas encore découverte. Donc, ah, c'est ça qui est une nouveauté, je sais. Oui, on a une nouveauté. Voilà, Françoise, un scoop. On a une nouvelle marionnette qui vient d'être finalisée, là, donc qui arrive, qu'on découvrira du coup en même temps que vous. Dimanche. C'était bien l'année dernière, c'était une marionnette toute petite. Il a un gros caillou au-dessus. Oui. C'est vraiment magnifique. Il devait faire 50 cm, mais alors le caillou faisait 2 mètres de haut. Alors quand on dit marionnette géante, est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée, Clémence ? Parce que géante, c'est vraiment très très grand là. Oh, elle fait quoi ? Elle fait plus de 3 mètres ? Voilà. 3 mètres 50, oui, plus sur 1 mètre 20, 2 mètres. Oui, ouais. Et c'est une compagnie qui fabrique vraiment ces marionnettes. Tout la est articulé, est dedans, la personne est dedans. Ouais. Et il y a toute une mise en scène autour, c'est vraiment... Un spectacle avec, oui. C'est vraiment superbe. Et donc, elle déambulera... Elle déambule avec un spectacle, voilà, il y a tout au long de la journée. Ouais. D'accord. Et cette compagnie, elle est vosgienne, elle vient du coin Elle vient du nord de la France, de Lille, il me semble, mais nord de la France, oui. Ils viennent spécialement pour le festival. Ils viennent spécialement pour la troisième année, ils sont contents de participer à chaque fois. Mais ça, c'est chouette. Donc, c'est top. Ça, c'est chouette. Alors, si vous le voulez bien, on va se lancer dans une première bulle de son avant d'en savoir encore plus sur toute cette journée que vous nous avez programmée, le Festival de la Bois Verte et de la Biodiversité. Vous l'avez compris, c'est ce dimanche, 8 juillet, gratuit pour toute la famille. On le répétera jusqu'au bout au lac de Pierre Percé. Puis ça commencera dès 11h. Voilà, on peut y aller dès 11h, les animations commencent. On peut arriver à 6h du matin pour aussi, nous aider à mettre en place, aider hein, à pas de problème. Les derniers chapiteaux. Voilà, appel aux bonnes volontés, vous avez entendu le message. Alors, on l'a dit, hein, au sein de ce festival, il y aura divers groupes de musique qui viendront eh bien, pour ravir vos oreilles, dont un se nommant Barzingo, c'est ça ? Barzingo, oui, un chanteur atypique qui vient de Toul. Oui. Il vient avec son groupe de 7 musiciens. Ah oui. Et oui, il est vraiment atypique. Et lui, il se produira... Vas-y Clémence. Pardon, j'allais dire que ça le ferait rire s'il m'entendait dire ça. J'allais dire fidèle, mais fidèle au festival. Enfin voilà, on travaille avec lui aussi depuis des années. Et voilà, c'est vraiment un habitué. Et ben voilà. Aussi. Donc on écoute une de ses chansons un peu pour se donner l'eau à la bouche parce que vous le retrouverez au sein de ce festival. Et on se retrouve juste après avec François et Clémence pour la suite. Passant va l'âme donnée pour aller sur Mars, mais sans l'âme, sans renier. Je suis dans la passe, un challenger officiel pour aller dans le ciel. Parce que t'es encore perdu au loto. Parce qu'on est éliminé de l'euro. T'as pas 100 balles à me donner pour aller sur Mars dans le dédale de mes idées. J'ai plus de compas sur cette terre, je veux plus rien. Je suis un martien. Vers une attaque cérébrale, élourdé de galaxies et profiteur des ramiers et les boursicotiers. Of course, of course, tu viens de payer tes impôts et à la bourse. La peau. À l'accordéon ce soir, c'était Madame Christelle. Dans le pédale de mes idées. J'ai plus de compas sur cette terre, je veux plus rien. Je suis un martien. T'as pas 100 balles à me donner pour aller sur Mars faire une attaque cérébrale. Et lourdé de guerre, là, c'est profiteur, les ramiers et les boursicotiers. Thank you. Voilà pour ce petit bout de live de cet artiste Barzingo qui sera présent au sein du festival que nous vous proposons aujourd'hui avec nos deux invités. François, président de l'association Festiplaine, hein, je l'ai bien dit cette fois-ci, et Clémence, son bras droit. Est-ce que ça va toujours tous les deux ? Très bien. Tout bien. Alors, on l'a dit, donc, au sein de ce festival, il y aura plein de choses pour les enfants, notamment eh bien, un petit coup de maquillage. Est-ce que c'est des gens qui viennent du coin qui participent à ces animations ? Oui. D'accord. On a dit qu'il y aura des nouveautés par rapport aux autres années. Et cette année, peut-être comme les années précédentes, les animaux auront toute leur place au sein de ce festival. C'est une habitude d'avoir des animaux au sein du festival ? Oui, oui, il y a plein d'animaux cette année. Je crois qu'il y en a au moins 30 000. Oui, on a invité un apiculteur, c'est pour ça. D'accord. Il vient avec sa ruche vitrée. Donc il y en aura beaucoup, beaucoup, il y en beaucoup. Aura beaucoup. Mais je pense qu'il les gardera fermés. Non, mais il y aura quand même une démonstration de conduite et de tonte de mouton. Alors oui, ça, c'est, alors oui, ça oui. C'est quand même pas commun. Alors ça, succès fou assuré aussi. Mais on ne les mange pas après. Hein. Bah heureusement, on est bien contents pour eux. Alors pour répondre à la première question, on essaye... quand on peut, de travailler avec des partenaires du territoire. Ouais. Donc ceux-là en font partie, donc l'apiculteur, c'était une moitié de blague finalement, puisqu'il sera vraiment là d'accord. Avec ses abeilles. On ne sait jamais trop avec François, si c'est du lard ou du cochon là pour le coup. Le personnage est déjà bien cerné, c'est bien. Donc voilà, il y aura effectivement les abeilles, la bergerie donc, fait partie aussi de d'accord. Nos partenaires depuis c'est, de nombreuses années. C'est la bergerie années. De Stréture. Voilà, okay. La bergerie de Stréture. On a aussi un musher qui est installé sur la vallée, d'accord. Donc la vallée de la Plaine, donc avec des chiens de traîneau. Wow. Et ses ânes. Chiens de traîneau et des ânes de randonnée, donc ils seront là aussi le jour du festival pour faire et découvrir ça un petit puis, peu. Ouais. Et puis on a perdu une oie, donc on a trouvé un dresseur d'oie pour la retrouver. Voilà, on a un monsieur, donc ça pareil, c'est succès aussi chaque année, un dresseur d'oie, donc il se promène dans le festival avec ses oies qui obéissent vraiment impressionnant. Ouais, ouais. Et ils sont bien une dizaine d'oies, hein. Oui, oui, oui. Ça peut réconcilier avec les oies, hein, parce que parfois les enfants, mais même les adultes, elles ont un peu peur. Une fois qu'on s'est fait enfin, pincer je sais pas les si fesses. C'est des oies. Si, c'est si, des c'est oies. Des oies, si. Mais si, non, oui, elles sont. C'est mécanique, non. Sont... Non, c'est non, des vrais. C'est des vrais, c'est des vrais. C'est des vrais. Mais c'est impressionnant. C'est vrai qu'il y a lui devant et les oies derrière. C'est pas dans l'autre sens. Hein. Non, c'est, ouais. Ouais. C'est la maman, en fait. C'est ça. La maman. Mais c'est vraiment impressionnant. C'est vrai que. L'année dernière, il en a perdu une quand même. C'est pour ça qu'on l'a ramené. Du coup, avec cette balade en poney et puis avec ces ânes, ces chiens de traîneau, est-ce qu'on va pouvoir faire un petit peu justement le tour de cette voie verte en balade ? Est-ce qu'on va pouvoir, enfin, est-ce que les enfants vont pouvoir monter en poney pour se balader Alors, un petit peu ? Sur les abeilles, ils ne peuvent pas monter, c'est sûr. Dommage. Dommage. On pourrait faire un peu de hauteur. Sur les poneys, oui, oui, c'est un ils monsieur qui ramène ça, oui. Une oui. Dizaine de poneys. Il y aura des tours, des balades autour du festival. Hein. Gratuite. Oui, toujours. Fait quand même, le festival fait quand même, j'ai compté, hein, 600 mètres de long. Ah oui. Hein, ça fait quand même... Oui, oui, il y a vraiment... Alors, c'est pareil, au départ, le but, c'était de faire circuler les gens sur la voie verte, en vélo, en poussette, oui, etc., oui, oui. C'est toujours possible, mais comme on a chaque année un peu plus de monde, ça commence. Ça, voilà, il y a des ouais. Moments de la journée et des endroits où ça bouchonne un peu, mais c'est plus aussi fluide que les premières années, on va dire. Non, mais oui, on oui, a changé oui, le système. C'est aussi le but. On de met faire les circuler. On met les stands au milieu de la route. C'est pour ça que ça bouchonne aussi un peu. C'est pour qu'ils les voient, qu'ils tombent dessus. François, est-ce que vous allez proposer un spectacle d'humour peut-être un jour il lors est, d'un festival inépuisable. Un nez rouge, hop, c'est parti. Ah, on a les nez rouges. Ah. On a l'école des nez rouges. On a l'école des nez voilà. Rouges. Belle transition. Bah voilà, très très belle perche tendue et attrapée. L'école des nez rouges, alors dites-nous en plus ils vont alors, proposer. C'est une école qui se trouve à Saint-Dié. D'accord. Et où on peut apprendre les spectacles du cirque. Wow. Donc c'est ouvert, c'est une association. Ouais. Et ils viennent en général à une vingtaine. Ah oui. Et tout le monde peut s'exercer à faire de la jonglerie, à monter sur les espèces de, je sais pas trop quoi. Les boules, les assiettes chinoises. Oui. Enfin, les voilà, c'est boules, des ateliers. Tout ça. Les, je sais pas trop quoi, les échasses peut-être. Ouais, peut-être ça. Oui, ça fait comme ça, oui. Et c'est rigolo parce que tout le monde se prête au jeu, autant les politiques que les familles, que tout ça. On a vu des choses quand même très très sympas. On retombe un petit peu en enfance durant ce festival. Ah, complètement, complètement. Ça fait du bien. Complètement. Est-ce que vous arrivez à en profiter tous les deux, ou alors est-ce que vous êtes à fond concentré sur tout ce qui se passe? On n'est déjà pas concentré au départ, donc ça va. Hein. Oui, on arrive à faire le tour, on arrive, mais c'est vrai que c'est intensif. J'imagine. Oui, j'imagine. Intense. Alors, on parlait des abeilles tout à l'heure. Est-ce que cet apiculteur, il va un petit peu sensibiliser à cette cause de l'abeille? Il va montrer un peu comment ça se passe dans les ruches. Qu'est-ce qu'il va faire exactement? Alors, lui, il a un super stand, très très bien agencé, très très bien. Donc, il est apiculteur, mais il propose en plus des explications, des ateliers pédagogiques et tout ça. Donc, il fait beaucoup, il se déplace beaucoup dans les écoles. Il travaille donc beaucoup avec les enfants. Donc il va faire des mini-conférences, il y aura une ruche pédagogique, il y aura des... Et il a une ruche vitrée qui explique, le fonctionnement des abeilles et tout ça. On est sur le thème de la biodiversité, donc automatiquement, on a amené plein de choses qui correspondent à la biodiversité. Oui, j'imagine. Et son miel vient d'être médaillé d'or au Salon de l'agriculture à Paris, Il sera temps de le goûter. La biodiversité, c'est un axe particulier du festival cette année, ou vraiment c'est chaque année il est au cœur du festival aussi? Alors, chaque année on prend un morceau de la biodiversité, c'est-à-dire que l'année dernière c'était les transports verts, la mobilité. D'accord. L'année avant c'était sur la... je ne sais plus. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on confond toutes les éditions à force. Sur le recyclage. Et puis après, tous les ans, on essaie de remettre un peu sur l'écologie surtout. Et voilà, c'est ça. Et ça, c'est important pour vous, de faire venir du monde pour découvrir celle sur plaine, mais en plus pour parler de ce trait qui est plus qu'important, de l'écologie. De l'écologie, de la vie ensemble, de vivre ensemble et puis de vivre avec la nature. Et ça, c'est plutôt sympa. On aime bien ces valeurs, nous, ici. Alors justement, il y aura des petits ateliers, tu l'avais dit tout à l'heure, Clémence, de fabrication de jus en carton avec un atelier de recyclage. Oui. Alors ça, c'est quand même sympathique. Il y aura d'autres choses un petit peu sur ce thème. Je crois qu'il y avait un atelier de réparation de vélo. Oui. Ah oui. Alors oui, on a... Je suis super. Je suis. Alors les ateliers, on en a plein. Donc on a effectivement, c'est pareil, c'est un collectif, c'est plusieurs collectifs qui reviennent chaque année. Donc là, le recyclage de carton en l'occurrence, c'est des habitués aussi. Donc l'année dernière, ils sont venus avec un superbe stand de taille de pierre. Ah oui. C'était vraiment magnifique. On avait Obélix qui était là. C'est des ateliers pour les enfants visuellement et au niveau pratique, c'est vraiment top, ça a un succès fou. Donc c'est toutes des activités adaptées aux enfants parce que taille de pierre, faut pas non plus que... Oui, excuse-moi. Est-ce qu'il est venu avec sa marmite, Obélix? Oui, donc la taille de pierre, on reprend notre sérieux. Voilà, donc cette année, ils proposent de la fabrication de jouets en carton recyclé. Ils viennent avec une ludothèque géante qui s'appelle Zazam. Et donc eux, ils ont fabriqué tout un tas de jouets à partir de meubles recyclés. D'accord. Donc des énormes jouets anciens, c'est pareil, qui ont un succès phénoménal chaque année. Il faut faire la queue pour essayer de jouer un petit peu. De mettre les boules dans les trous. Enfin, c'est top. Et on a aussi donc le Voie Verte Oblige, l'atelier de self-réparation de vélo. Donc une association de Saint-Dié-des-Vosges aussi, qui s'appelle L'Engrenage et qui vient chaque année pour apprendre un petit peu aux gens à changer une roue, à réparer ses freins. Si tu n'as pas la société de consommation, quand un objet est cassé, on le jette et on en rachète un autre. C'est un système qui marche bien parce qu'ils viennent réparer leur vélo. Voilà, ils viennent avec leur vélo. C'est vraiment... Et puis, on a un stand, on a un espace dédié aussi à la biodiversité, avec là aussi des ateliers. Donc, il y a un atelier de fabrication de libellules et de papillons. Ah bon? Voilà, ouais. Pour les enfants, donc pareil, des mais petits pas, bricolages à faire. Pas électronique, hein. En carton? Oui. En carton. Oui. Et puis des activités, il y a le lac de Selles-sur-Plaine, il y a aussi des étangs qui sont situés autour, donc des activités de découverte des insectes et des animaux qui vivent dans les étangs. Ah, ça c'est chouette. Et aux alentours, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'identification d'empreintes aussi d'animaux. Donc voilà, on a un 30 mètres carrés. Il y a l'édification des oiseaux aussi. Oui, oui, oui, un stand sur voilà, la reconnaissance des oiseaux. Puis à côté, il y a les pommes aussi. Les croqueurs de pommes, oui, ouais, c'est une association aussi. Pommes, mais oui, que l'on salue, voilà. Que l'on connaît un petit peu. Voilà. Et bien voilà, plein de belles choses. Alors avant d'en savoir plus, hein, parce qu'on a tout de suite envie de tout dire, mais non, on y va tranquillement. On ne dira pas tout, je vous promets. On ne sait pas tout. On ne sait pas tout, voilà, nous dit François. Donc comme ça, on garderait forcément des surprises. On continue avec une deuxième bulle de son avec les tripodes, donc ils seront là. Ils sont trois. Voilà, ils seront là au sein de ce et festival. C'est une bande de potes. Bah oui, ils sont alsaco-vosgiens, c'est ça? Oui, ils viennent de Raon. D'accord. Bon, ils sont plus vosgiens qu'alsaciens, du coup. Et ils sont là tous les ans? Alors, ils sont là. L'année dernière, ils étaient là, oui. Ouais. Oui. Ouais, mais ouais. Cette année, on les a jumelés avec la tisane. D'accord. Pour qu'ils soient un peu plus calmes, on leur a mis une tisane à côté. Et non, c'est pas ça. Et ils sont cinq et ils viennent de Nancy. Ok. Donc, on écoute les tripotes avec l'amant de ma femme et on se retrouve juste après. Imaginez ce salaud avec d'imposants pectoraux, sapé comme le prince charmant, maniant l'humour avec talent, la faisant rire de mille éclats, la rassurant d'une douce voix. J'imaginais ce salaud manger mon pain et boire mon eau. Je voudrais qu'il crame l'amant de ma femme et cracher sur son âme l'amant de ma femme. Je vais se voir couler la larme, passer entendre sonner l'alarme. Et du moins je en moi d'abord, mais j'ai raison, les autres ont tort. Accumulant les négligences, à en faire crever sa confiance. Comment a-t-elle pu retenir si longtemps son envie de partir? Je prie pour qu'il réclame l'amant ma femme, la pitié de ma lame. Chut, l'amant ma femme. Je sais qu'elle a du goût, qu'elle ne se jetterait plus en victime du dégoût sur le premier venu. Vu qu'elle en a souffert en passant sous silence l'envie de tout foutre en l'air en m'offrant sa clémence. Je prie pour qu'il rétame l'amant de ma femme, sa gueule dans le macadam. Paf, l'amant de ma femme. La la la, l'amant de ma femme. La la la la, l'amant de ma femme. La la la la la, j'ai perdu mon amour pour toujours. Je sais qu'un jour je lui ai plu, mais j'ai laissé passer mon tour. J'ai tellement envie qu'elle soit bien couverte de bisous et de câlins. Tant d'affection que tant d'années n'ont pas suffi à lui donner. Je sais qu'il se proclame l'amant de ma femme, sous son charme il se pâme. L'amant de ma femme, pour la sauver de drame. L'amant de ma femme, mais sa routine en panne. L'amant de ma femme, qu'il révise bien ses gars. L'amant de ma femme, ça préserve des flammes. L'amant de ma femme, j'ai pitié pour la femme. L'amant de ma femme, j'ai replié ma lame par amour pour cette femme. La la la la, l'amant de ma femme. La la la la la, voilà pour ce son des tripotes que vous pourrez retrouver eh bien, à travers le festival que nous présentons aujourd'hui de la voix verte et de la biodiversité avec nos deux invités aujourd'hui, François et Clémence. Merci encore à tous les deux d'être parmi nous aujourd'hui pour nous parler eh bien, de ce fabuleux événement voilà, qui nous donne vraiment très très envie. J'espère que vous aussi de l'autre côté du poste eh bien, vous aurez envie de vous rendre à Celles-sur-Plaine pour vous amuser. Alors on retrouvera aussi des artisans là-bas au festival avec un marché artisanal. Oui. Vous êtes sûre? Si vous aviez changé d'avis au milieu, vous pouvez nous le dire. Non, pas de souci. Ils seront là, artisans, producteurs locaux. Donc, on a parlé du miel, on a aussi des glaces artisanales bio. Oui. On a aussi... Vanier cette année. Oui. Ah, bah c'est oui. Tout près d'ici, Vanier. Voilà, on les salue. Non, pas Vanier de là-bas, Vanier d'ici. Vanier d'ici, d'accord. Enfin, les paniers, quoi. D'accord. On a de la taillerie sur pierre, on a des bijoux, on a plein de choses, on a un sculpteur sur bois, on a... Il y aura combien d'artisans à peu près cette année, si vous pouvez les compter ? Une trentaine en général, on a pas mal... On n'est pas arrivé à 500. Non, pas encore. Ça a trop bouchonné, là, François, 500, il n'y a plus assez de place. Il n'y a plus assez de place ? Non. On continuera dans la vallée. Est-ce que le maître mot de ce marché artisanal, c'est quoi ? C'est du bio, c'est du local, qu'est-ce qu'on y retrouvera ? C'est du bio local. Au maximum, oui, on priorise au maximum. C'est les artisans de la vallée. Les producteurs locaux de la vallée. Ou de la vallée d'à côté, ou de la vallée un peu plus loin, mais ça reste très local. Oui. Ils se présentent à vous, c'est vous qui allez les chercher. Comment ça se passe pour faire venir des gens au sein du festival, justement ? Ça, c'est côté de Clémence. On a loué un car. On se promène, on enlève des gens. On a loué un car, on les met dedans. On se promène, on en parle un petit peu, on propose. Donc ça, c'est notre troisième bras droit qui s'occupe de ça, collègue qui aime beaucoup ce côté artisanat et tout ça, Birgit, voilà, pour ne pas la nommer. Eh bien, on la salue. Birgit, on te salue. Et voilà, qui connaît pas mal de monde et qui gère un petit peu. Alors, il y aura du soufflage de verre, c'est chouette ça. Soufflage de verre, peut-être. Oui. Mais j'ai repris sur le programme. Hein. Ah oui, non, mais si c'est marqué sur le programme, ça doit être sûr. Je vous ai coupé, François. Tu voulais dire quoi ? Je ne sais plus si je te vois ou si je te vois. Oh, il faut me tutoyer. on est deux quand même. Hein. Voilà. Ça commence par là. Oui, je voulais dire que maintenant, on n'a plus trop de problèmes pour avoir des artisans. Oui. Le festival de la Voie Verte commence à être connu au niveau de la région, au niveau surtout local, mais au niveau région, même international, parce qu'on a quand même beaucoup de Belges et d'Allemands qui viennent. Ça fait venir des touristes Ça fait vraiment venir des touristes. D'accord. On a vraiment la grande région qui vient. D'accord. Mais pas qu'un petit peu, beaucoup. Oui. Et on communique sur l'Allemagne et sur le Luxembourg. D'accord. Donc c'est des gens qui viennent en vacances dans le coin et qui viennent pour la Voie Verte. C'est idéalement placé en plus. C'est idéalement placé. Voilà. Puis c'est une période propice aussi, premier week-end ou deuxième en général selon les années, mais des vacances scolaires. Mmh. On est au bord des lacs forcément, on est tout proche du camping. Donc même les gens qui ne viennent pas forcément exprès pour le festival sont quand même présents au camping et voilà, il se passe quelque chose. Ça relaye beaucoup au niveau des hébergeurs aussi, partenaires. Mais justement, on peut se loger, du coup, on peut rester si on a envie. Il y a plein de choses autour. Il y a plein de choses. Il y a plein de bateaux sur le lac. Hein. On peut planter sa tente ou un hamac. Il y a tout ce qu'il faut, camping tout proche. Oui. Voilà, il y a possibilité. On a plein d'hébergeurs, il y a plein de. Mais c'est vrai que ça remplit bien les hébergements du coin. Quoi. Est-ce qu'ils collaborent un petit peu avec vous, ces hébergeurs ? Est-ce qu'ils se manifestent pour qu'on. Ben, on fait tout pour que ça fonctionne pour eux. C'est surtout ça. Le festival est dans le but là, c'est que de faire venir du tourisme, oui. Et que faire connaître cette vallée et que le commerce puisse marcher aussi par rapport. Ben voilà, c'est sympathique. C'est vraiment dans le but là. Pour se donner un ordre d'idée, par exemple, l'année dernière, il y avait combien de personnes qui s'est... Nous deux. Bon, ça va, ça bouchonnait pas trop, du coup. Est-ce qu'on peut se rendre compte par un... L'année dernière, on a compté environ 8000 personnes sur la journée. Ah oui, qui circulent sur toute la journée. Voilà, il y a vraiment des moments de la journée où la Voie Verte était bouchée. D'accord. Il a fallu on a plein de monde qui fait de la déambulation, des ateliers de cirque, qui a réussi à meubler un petit peu faire patienter un petit peu les gens, mais ça ajoute un plus, c'est pas mal, mais au concert, c'est pas forcément toujours le même public, donc on est à 5000 personnes sur le concert. On a 5000 personnes sur la journée, on dit entre 8000 et 10000 personnes quoi, d'accord, vraiment, qui passent, qui il y a vraiment beaucoup de monde quoi. C'est pour ça qu'il y a plein d'animations. Après de on les a pas tous comptés hein. Ah non, on a arrêté, oublié, au bout d'un moment, oui, au bout de deux on a arrêté. C'est pour ça qu'il y a plein d'animations proposées au sein de la journée, comme ça, ben, si on ne peut pas voir un endroit, ben, on se rend à un autre et puis on se fait plaisir. Alors on parlait un petit peu des artisans juste avant, donc avec du miel, des glaces bio, de la bière, de la charcuterie. En parlant de nourriture... Ah, vous avez oublié quelque chose qui est très important. Du pâté lorrain, c'est ça ? Le pâté lorrain. Et à côté du pâté lorrain, on a la baraque. La baraque à frites. La baraque à frites qui vient de Gérardmer. Mais alors, c'est les meilleures frites des Vosges. Ah bon ? Ah, et il épluche toutes ses patates sur place. C'est pas vrai. Si. Et il en passe quand même 200 kilos. Oh la vache. Ah, il est... Donc, c'est vrai. Non, il faut arriver à 8 heures pour avoir une frite chez lui. Ah oui, c'est une animation autrement à lui passe... tout seul. Ah, c'est patient. Une animation à lui tout seul. Oui, il faut être patient. Il faut être très patient. Mais il faut ça aimer vaut les frites, le détour. Hein. Ça vaut, il est tout. Voilà, bah vous pourrez goûter les meilleures frites en plus du coin, et ça c'est plutôt pas mal. Donc justement, on peut se restaurer là sur place, on peut vraiment rester toute la journée si on a envie, parce que du coup... Il y a de quoi faire, oui, il y a de quoi faire entre pâté lorrain, entre les producteurs justement qui vendent sur place, entre les stands de pâté lorrain, de crêpes de glace, pizza, grillade, enfin voilà, il y a vraiment les tartes flambées d'Alsace, tartes flambées, des vraies tartes d'Alsace, voilà, ça c'est bon, ça nous met l'eau à la bouche là. Tout est fait sur place et tout est maison quoi. On c'est a quand trois sangliers à la broche qui sont cuits le matin. Alors même. C'est pareil que les frites ça. Le sanglier, au bout de 10 minutes, il n'y en a plus. On a en des gens qui appellent pour réserver. Ça c'est Obélix. C'est Obélix. Pour réserver des parts de sangliers quand même. Ah oui. Ça c'est assez... Voilà. On a des appels pour réserver... Allô, le festival, vous pouvez nous réserver 3 parts de sangliers. Est-ce qu'on prend les réservations au moins, ou est-ce qu'on leur dit non ? Non. Donc n'appelez pas le festival pour réserver du sanglier. Venez de bonne heure et puis vous pourrez manger du sanglier directement sur place. Mais ils ont tant à faire, comprenez-les. Hein. Alors on va revenir un petit peu aux animations proposées. Il y aura de la Zumba. Ah, alors, oui. Pas cette année. Ah, pas cette année. Non, pas cette année, malheureusement. La dame s'est blessée quelques semaines. Là, mais on a remplacé. Hein. Alors, par quoi ? Alors, on a remplacé par une compagnie de théâtre. Il y aura deux spectacles de 45 minutes. D'accord. Qui viennent de la compagnie Acte, qui est l'atelier théâtre de Saint-Didier-des-Auges. D'accord. Et qui propose avec des masques vénitiens, je crois. Des masques en bois. Et ils ont deux spectacles donc, qui se trouveront... Prévus sur l'après-midi. Voilà, prévus d'accord. Sur l'après-midi. Donc cette compagnie, elle a été présente aussi au sein de Rue et Compagnie. Oui, on les a retrouvés là-bas. Mmh. Et là, ils seront présents sur le festival. Toute l'après-midi, oui. Toute l'après-midi. Deux interventions. Oui. Mmh. Donc ça se regroupe au même endroit, ces animations. On retrouve tout... Tout au milieu du lac. C'est très, très... Non, c'est très étendu. C'est très étendu. On a essayé de faire des zones un peu... Donc là, l'endroit où sera la compagnie Acte, par exemple, ça va être la zone, l'étendue Niru, ça va être la zone un peu biodiversité, un peu calme, un peu cool, découverte des oiseaux, des libellules. Mmh. C'est sympa, ça. Il y a les libellules, il y a le compteur à côté, il y a... À l'ombre, c'est vraiment... C'est le moment détente. Voilà, c'est ça. Le pas trop de bruit, pas tout, voilà. Le concert est un peu plus loin, Tripote et Tisane, sur l'autre rive, qui s'appelle le Para, qui est un autre étang aussi. D'accord. Et là où il y aura plus d'artisans, c'est plus le côté artisanal. C'est bien conçu quand même. Hein. Après, sur le passage entre la plage et ces deux petits étangs, on appelle ça le passage, là où il y a les abeilles, il y a les poneys, il y a un compteur aussi en plein milieu. Il y a de quoi manger. Il y a les moutons, il y a de quoi manger. Puis après, on arrive sur la plage, là où on a Zazam, enfin tous les jeux attractifs. Et les concerts. Et on a même un concert de saxo. Ils viennent à 20 saxos pour répéter sur place. C'est pas vrai. Toute une après-midi. J'ai peur avec vous parce que je sais jamais si c'est vrai ou pas. Et ils ont même pas oublié les touches. Non, c'est réel. C'est vrai. Ils passaient dans le coin et... Ils sont arrêtés. Ils se sont arrêtés. Voilà. On comprend bien. Et juste devant, on a les poulaillers. D'accord. Voilà. Hein, les saxos derrière, les poulaillers devant. C'est un monsieur qui construit des poulaillers. Voilà, ouais. Présenté comme ça, ça a l'air hallucinant, mais c'est vrai quand même. C'est vrai que ça a l'air hallucinant. Non, c'est des poulaillers un peu structurels, un peu modernes, un peu... Voilà. Ok. Alors, on va continuer cette émission avec notre troisième et dernière bulle de son avec les Vampas, hein, ce groupe que vous avez choisi de faire venir un petit peu, j'ai envie de dire, en tête d'affiche, on peut dire ça comme oui. ça ? Oui, oui. Pourquoi les avoir choisis ? On peut le dire, alors je le dis. Ils ont quand même été nommés aux Victoires de la Musique 2004, hein, ce groupe qui propose un petit peu, même beaucoup, du punk rock. Pourquoi vous avez choisi de les faire venir, eux ? Bon, il passait par là, je crois. Encore aussi. Ouais, ils aussi, se perdent aussi, tous vers là-bas, hein, j'ai l'impression. Finalement, il y a du passage dans cette vallée. Mais tu sais, c'est la route entre Nancy et Strasbourg. Ils passent par là, ils disent, tiens, pourquoi on ne s'arrêterait pas ? C'est ça. Donc du coup, pourquoi vous avez choisi de les faire venir ? Eh bien parce que les Vampas font partie de notre chanson française, de groupe français rock, festif, punk. L'année dernière, on avait Soldat Louis, on a eu les Fatal Picard, on a eu Pierre-Paul Jacques, on a eu Edmund Froubeat. Voilà, donc c'est toute cette génération qui correspond aux années 80-90, oui à peu près, et qui correspond à nos âges, quoi. Bah, pas pour Clémence, quand même, les jeunes. Non, c'est un Serge. Voilà, s'il n'y a pas de. Y a pas c'est de limite. Intemporel. Voilà, c'est intemporel, merci. J'avais perdu. J'ai trouvé un mot comme ça par hasard dans le dictionnaire, il est sorti, mais c'est bon. Il est bien placé. Et du coup, ces concerts, eh bien, on le précise encore une fois, ils sont gratuits eux aussi, oui, hein, en plus de toutes ces animations. Ils répondent tout de suite présents, les groupes que vous sollicitez pour venir au sein du festival. Ils sont contents de venir. Ils sont très contents parce qu'ils sont prêts à revenir. Oui, les Picards sont venus deux fois. Ah oui. C'est sur leur demande qu'ils sont revenus. Ah oui. Oui, oui, parce que on les accueille un peu différemment que les autres festivals. Voilà. C'est côté animal. Juste une anecdote, c'est-à-dire que les loges qui sont derrière ne sont pas dans les loges de festival, ils sont carrément un barnum, une table, deux chaises. Ils ont deux chapiteaux et un frigo qui ne marche pas. Ils sont quand même de très bonnes compositions. Ils ont envie de revenir. En plus, ils reviennent. Donc c'est très campagnard et ils se trouvent ça un peu en dehors de toute la... Mais bon, c'est au bord de la plage, c'est dans un cadre sympa et c'est vrai que... On a toujours un peu d'appréhension au départ. On est sympa aussi, il faut le dire, quand même. On voit ça, on confirme. Hein. Vous êtes sympa, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et puis, eux, ils sont contents aussi de rencontrer un public qui ne verrait peut-être pas forcément dans un concert traditionnel, parce que, comme on le dit, hein, ce sont des gens qui ne se rendent pas forcément... Ils ne vont pas que pour le concert. Voilà. Ils n'y aillent pas spécifiquement pour le concert. C'est-à-dire que toute l'après-midi, ils ont été bercés par... par une activité, en gros, une activité de plein air. Et le soir, ils sont là, ils se disent, ouais, un vrai concert que pour nous, dans un lieu où il y a la plage, les montagnes. Enfin, voilà, quoi, c'est idyllique. Bah, carrément. Et les Vampas, ça sera à partir de 19h. Alors, c'est 18h, parce que je me suis trompé dans les heures. Ah. Ça m'arrive souvent. Et donc, Barzingo à 17h. Ah, c'est décalé. Et les Vampas à 18h. D'accord, ok. Mais bon. En général, ça marche toujours bien. Quoi. Bon, de toute façon, on n'est pas à une heure près. Hein. Je pense qu'une fois qu'on arrive là-bas, on a plus envie de repartir. Il y a de quoi s'occuper. Voilà, il y a de quoi s'occuper. Alors, on écoute tout de suite Manu Chao des Vampas et on se retrouve juste après. On s'assoit dans le foin et on chante ce refrain. Si j'avais le portefeuille de Manu Chao, je partirais en vacances au moins jusqu'au Congo. Si j'avais le compte en banque que Louise attaque, je partirais en vacances au moins jusqu'à Pâques. C'est beau la Normandie comme le dit ma grand-tante Marie, mais si j'avais du blé je partirais bien loin d'ici. Souvent les soirs d'été je m'assois dans les champs de blé, je ferme doucement les yeux et j'écoute le pommier chanter. Si j'avais le portefeuille de Manu Chao, je partirais en vacances avec tous mes potos. Si j'avais le compte en banque que Louise attaque, je partirais en vacances au moins jusqu'à Pâques. Si j'avais si je pouvais, j'irais bien jusqu'au Mexique boire de la tequila avec le commandant Marcos. Mais j'ai encore au moins 7 hectares à labourer. Je remonte sur mon tracteur et je chante pour me donner du cœur. Les Vampas que vous retrouverez au sein du Festival de la Voix Verte et de la Biodiversité, c'est ce dimanche. Hein. Plus de raisons, plus d'excuses pour ne pas s'y rendre. Donc c'est ce dimanche sur le lac de Selles-sur-Plaine. Rappelez-nous exactement l'endroit, parce qu'il est très grand hein, quand même. Alors c'est la base nautique voilà. De Selles-sur-Plaine, qui se trouve à Selles-sur-Plaine, ben dans voilà. Les Vosges. Tout simplement, vous avez bien compris, il y aura de la musique, des ateliers pour enfants, du cirque, du théâtre, de l'artisanat, etc. De la jonglerie. De la clownerie. On sensibilise aussi à l'environnement avec plein de choses. On a un sentier pieds nus d'ailleurs cette année pour la première fois qui vient pour les enfants, pour les grands même d'ailleurs. Oui. Pourquoi pas. Voilà. Il ne faut pas trop aux chaussettes. Hein. Ah ben non, il n'y a pas de chaussettes pour un sentier pieds. De toute façon, il fera chaud, on n'aura pas besoin de chaussettes, ouais. On n'aura pas besoin de chaussures. On sera à l'air pur, dans un lieu vraiment idyllique. Si vous ne connaissez pas, ben vous allez être vraiment conquis et c'est sans flatterie. C'est vraiment un lieu magique, en pleine nature, où je pense vous passerez une journée en famille ou entre amis. Hein. Il n'y a pas de règles, on peut venir avec qui on veut, s'amuser et puis écouter de la musique et faire plein de choses en même temps. Voilà. Hein, voilà. C'est ça. Alors, si une fois que ce festival donc aura eu lieu, ça ne s'arrête pas là. Hein, l'association, c'est l'association Festiplaine qui propose ce dont on va parler tout de suite. C'est l'association Festiplaine. On était toujours dans cette même dynamique de faire vivre cette vallée de la Plaine. Oui. Donc, on a créé ce festival il y a 7 ans. D'accord. Et dans la même lignée, on a mis le théâtre en plein air. Oui. Théâtre en plein air, donc théâtre pour dire que ça fait bien, et puis plein air parce que ça se trouve dans la vallée de la Plaine, et sur la place du village, de chaque village de la vallée de la Plaine. Donc il y a 8 villages, donc il y a 8 spectacles. D'accord. Sur l'été, c'est-à-dire du début juillet jusqu'à fin août. Et oui, alors ça se passe tous les dimanches, c'est ça ? Tous les dimanches à 17h. Dans chaque village, donc un village différent à chaque dimanche. Et puis avec, qu'est-ce qu'on va y retrouver au sein de ces dimanches ? Alors, on va s'y retrouver, un concert. Alors, ouais. Le théâtre en plein air, c'est quoi ? C'est des concerts, c'est du théâtre de rue. C'est des humoristes, c'est voilà, du théâtre de rue, c'est quelque chose d'assez éclectique. D'accord. Voilà. Aussi. Donc, Jack Simard, on en parlait tout à l'heure. Et oui, que l'on salue, qui est un habitué des studios Dragio Gemozo grâce à notre chère amie Mika, que l'on salue également. Donc voilà, vous retrouverez Jacques Simard, ça se passe le 12 août à Alarmont. Mais donc, avant ça, il y en aura d'autres. On a commencé le 1er juillet, donc c'était dimanche, où on a eu un tour de chant de Boris Vian. D'accord. Enfin, il n'était pas là, je ne comprends pas. Mais bon, c'était un trio qui l'ont remplacé. Ah, c'était assez exceptionnel parce qu'on a mis un vrai piano sur la scène, dont la scène est très haute et qui a un tout petit escalier. Donc c'est vrai que c'était très très bien. D'accord. Vraiment très moderne, très jazzy, très sympa. Okay. Un groupe de Nancy. D'accord. Le 8 juillet, je crois qu'on en a parlé, il y a un festival. Brièvement. Nous continuons à Pierre Percé, où c'est des buveurs de je ne sais pas quoi, mais il s'appelle Ick. D'accord. Donc c'est du théâtre burlesque, enfin c'est chanson burlesque. D'accord. Plutôt. Texo à Raon-sur-Plaine, donc tout en haut de la vallée. Texo, c'est un monsieur qui joue un peu de tous les instruments et qui chante à la fois assez moderne. D'accord. Les Tripotes, bah, vous les avez écoutés et tout oui. à l'heure. Oui, oui. Qui seront à Bionville, qui est un groupe alsacien-vosgien. Ok. J'y pensais, c'est parce qu'il y en a un qui est en Alsace, qui habite en Alsace, c'est pour voilà. ça qu'ils ont dit ça. Ouais. Les Délinquantes avec Saint-Cours, qui est, je ne sais plus ce que c'est, les Délinquantes. Alors, deux femmes, deux copines, deux sœurs. Ouais, là, c'est... C'est de la chanson, chanson française. Un petit peu... Oui, ça, ouais. à mon avis, ça va... Ça déménage. Hein, ça de... C'est ça. C'est très, très... Voilà. On ne dira pas plus. Venez un petit voir, peu déjanté. Venez voir, déjanté. Jacques Simard, bah, vous connaissez tous. Voilà. Les Clébards qui viennent de Bretagne. Alors, c'est un groupe français assez connu. Un peu partout. Punk. D'accord. C'est du punk festif irlandais, breton. Ça donne très, très, très bien. Ah oui, vous les C'est vraiment à voir. Le 19 août à 17h à Luvigny. À Luvigny. Et nous finissons le 26 août avec Albert Mellet, oui. qui était un compère de Ruquier sur France Inter dans Rien à cirer. Eh bien. Et qui est déjà venu une fois. D'accord. Et souvent, on a la chance d'avoir toute la bande des Trois Ânes de Paris ah oui. qui viennent faire un petit tour à Rouen. Ah ben ça ouais. alors Ça, c'est une exclusivité aussi, voilà, hein, je ouais. ne savais pas. Eh bien, donc, vous en faites quand même du beau travail, hein, vous deux et puis toute votre équipe qu'on n'oublie pas. Hein, il y en a beaucoup dans l'ombre, j'imagine, tous ceux qui participent en tout cas. On les met à la lumière aussi. Hein. Voilà. On ne ferme pas toujours la lumière. Donc le théâtre en plein air, c'est gratuit aussi. Aussi gratuit. C'est bien de le préciser, gratuit en plein air, forcément, comme son nom l'indique. Pas s'il pleut vraiment. Ah non, même s'il pleut, hein, on met tout le monde dehors quand même. Non, il y a des chapiteaux pour s'abriter. On prévoit. Mais il pleut jamais dans les Vosges en été, ça n'arrive pas ça. Non. La preuve aujourd'hui. Voilà. Donc c'est à 17h, c'est dans chaque village de la vallée, c'est en partenariat aussi avec toutes les personnes qui nous aident, sans qui on ne pourrait rien faire de tout ça. Oui. C'est gratuit pour le public, c'est quand même payant pour nous, forcément, il faut rémunérer voilà. un peu tous ces Alors, artistes. Alors, qui vous aide? Quels sont vos partenaires qui participent à cette fabuleuse aventure et du festival et du théâtre en plein air? Alors, on a la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges oui. qui finance ce festival. D'accord. Et qui nous soutient. Voilà. On a aussi des financements qui nous viennent de l'Europe, oui. avec le programme Leader. On a les deux départements, Vosges et Meurthe-et-Moselle, puisqu'on a la chance d'être sur deux territoires qui nous aident aussi dans, dans toute cette organisation. Et, voilà. et on a aussi, donc, pour tout le volet biodiversité, environnement et tout ça, on a l'association etc., D'accord. qui est aussi une association locale de Saint-Dié-des-Vosges qui œuvre énormément sur tout le territoire pour la protection de l'environnement. Okay, et on salue. Oui. Et le conservatoire d'espaces naturels en Lorraine. Eh bien, bravo à tous pour votre participation, en tout cas à toutes ces actions hein, qui rendent en tout cas eh bien, ces festivités, cette culture accessible à tous grâce à la gratuité de toutes ces animations, ces concerts et ces événements prévus. C'est super. Alors si on en a manqué un bout, on peut retrouver les informations sur ces animations sur Internet, une page Facebook. Oui, alors on a une page Facebook oui, qui reprend un petit peu tout ça. Il y a un événement aussi. Forcément qui a ouais. été créé, donc pas mal de mouvements sur cette page, donc ça fonctionne bien, l'info ouais. est bien relayée. Le théâtre en plein air a une page Facebook aussi. D'accord. Voilà, donc c'est là que vous allez retrouver les informations Utiles. Principales. Ok. Eh bien, on remettra tous ces liens avec le podcast de cette émission qui sera visible sur notre site internet et notre page Facebook. On a oublié deux partenaires. Il y a la ville de Raon-l'Étape qui met quand même tout le personnel, matériel. Les équipes. Ah oui, d'accord. Et le Crédit Mutuel aussi qui nous aide aussi un peu. Et le Leclerc. D'accord. Le centre Leclerc qui nous aide aussi beaucoup depuis ouais. plusieurs années. On n'oublie personne. Et puis toute l'association, les maires de la vallée. Tout le monde s'investit. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Il y a une belle cohésion en tout cas pour ces événements et ça fait plaisir. De la chaleur humaine, nous, on aime bien ça. Oh oui, surtout dans les Vosges. Hein. Bon, on vous remercie tous les deux, François et Clémence, d'être venus jusqu'ici pour nous parler de ce festival de la Voix Verte et de la biodiversité. Vous l'avez compris, hein, c'est ce dimanche 8 juillet sur la plage de Selles-sur-Plaine. Toutes les informations utiles, comme je vous l'ai dit, en lien avec le podcast de cette émission. Pour les couches tard, elle sera rediffusée, cette émission. Vous pourrez l'écouter à minuit. Plein de bonnes choses à vous deux et à toute votre équipe. Un très très bon festival pour dimanche. Merci de nous avoir invités. Merci pour l'accueil. Merci pour l'accueil. Cette belle émission. C'était un grand plaisir. Et puis voilà, venez nombreux. Eh ben oui, allez-y nombreux. Une très très belle route à vous. Pour nos éditeurs, eh bien, on se retrouve demain à la même heure pour un nouveau moment de partage. Et puis en attendant, n'oubliez surtout pas, hein, c'est bonheur, joie et rire à tous. The weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin, feather road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up, get your weapons wrong. They only killing time, another second gone. I heard your man at home, now you melatonin, but you acting young.